entrée, 6 euros l'entrée, entrée, sans frauder. Vous découvrirez tout ce qu'au Japon vous admirez. Des super dessins animés du club Dorothée, d'Albator au Chevalier et des nouveautés. Des fanzines, des super concours de dessins animés, des goodies, des jeux amateurs, y en a pour toutes les couleurs. Le cosplay, le karaoké, chantez de bien haut, ça c'est le Japan Expo. Japan, Japan, le Japan Expo, Japan, Japan et Momo, dédicace et invité, pas de quoi s'ennuyer. Pour seulement 6 euros l'entrée, tu vas pas regretter. Alors laisse-toi tenter par cette nouveauté, des fanzines, des super concours, de dessins animés, des goodies, des jeux amateurs, y en a pour toutes les couleurs. Le cosplay, le karaoké, chantez de bien haut, ça c'est le Japan Expo.